Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong, bong. Bing, bong, bing, bing, bong, bong. Bing, bong, bing, bong, bong. Bing, bing, bing, bong. Décolmaté, décolmaté. Vas-y, emmène la charrette. Allez, pousse cette charrette. Mets-la ici, allez. Avance, avance, bouge de là. Allez, mets-toi sur le côté en stationnement. Allez, allez, bouge la charrette. Allez, allez, hein. Écarte-toi. Écarte-les, écarte-les. Allez, mets. Allez, prends ça. Allez, le gant. Allez, tout ça. Allez, vas-y. Comme ça. Allez, vas-y. Aidez Daddy. Aidez Dada. Aidez Kiki. Allez, Daddy. Faut tout lui dire. Aidez Dada. Marie. Madeleine. Marie. Chantal. Marie. Madeleine. Marie. Chantal.